samouraï. Ouais. Zozo. Zozo. Sur le 808, y'a ma voix qui se pose. On se ressent pas, tout nous oppose. Ouais. Sur le 808, sur la prod à Guapo, il serra. Ils ont des boules, mais la dose. Ouais. Oh, y'avait les condés dans la rue, du coup j'm'en fais rouler aux pièces. J'crois ça m'assoit sur ma bise, ça m'oreille qui renseigne les clés. Papa vintage avec nous, les quais du Rhône à son sauce. Elle a pas d'âme, bouge pas la fouf de cette rousse. J'me sens comme toi, compte dans les doigts. J'me sens comme toi, réponds comme Gorgeous sans drague. On a les peuples pour ceux qui veulent, tu connais l'entourage. Tu suces pour pop, c'est vraiment dommage. Beaucoup le suce, je comprends. Mais je sais que tu n'es qu'un charlatan. Que ça pop pour mes potes, ce que j'attends. J'suis dans mes sonnettes et j'fonce ta tente. 25 cheats pour nous, c'est trop easy. Lions ont pas de flemme, on aggrave l'envie. Ride comme Atlantis, tu veux choper la technique. Oui, attends de spi, on va piner ta petite. On va piner ta petite. Pour conclure, je dirais juste qu'on est au-dessus. Je suis dans la cible et je leur laisse leur haute vie. Hey. Oh. Hey. Oh. Tu arriveras peut-être dans une autre vie.